Chapitre 2. Depuis bientôt 10 ans, Jean Le Fanois menait cette vie assommante et équivoque de lanceur de nouveaux riches dans le monde parisien. Il s'était laissé aller peu à peu à la suite de relations accidentellement nouées avec un richissime américain au moment où Le Fanois lui-même se trouvait dans la dèche. Comment ce garçon affamé de luxe, habitué depuis sa première jeunesse à l'existence facile et coûteuse du club Man parisien, eût-il résisté à l'aubaine inespérée d'une telle relation? Son nouvel ami, cœur excellent et esprit naïf, ne demandait qu'à jouir de ses millions en compagnie de quelques amis de choix. Collectionneur à 16 heures, comme beaucoup de ses compatriotes, il sut apprécier les goûts artistiques de Le Fanois et le chargea de l'ameublement et des décorations de l'élégant hôtel qu'il venait d'acheter à un Rastaquouère en faillite. Jean fut ravi de l'occasion de se produire en amateur éclairé, et en acquérant de beaux objets d'art pour son ami, il trouva un peu du plaisir qu'il aurait eu à se les offrir lui-même. Puis il apprit que l'on pouvait gagner à ce jeu des récompenses plus durables que ce plaisir altruiste. Il toucha de fortes sommes auprès des brocanteurs ravis du client qu'il leur amenait. Et bien que cette transaction le gênât légèrement la première fois qu'elle lui fut proposée, il s'y habitua vite, d'autant plus que de grosses pertes au jeu avaient sérieusement entamé sa modeste fortune. Il jouissait d'une façon plus désintéressée de la vie d'oisiveté luxueuse à laquelle il se trouvait mêlé. Les compatriotes dont son ami était entouré menaient une existence absolument désœuvrée, sans occupation fixe ni relation suivie, mais avec quel art ils en cachaient le vide profond sous les dehors d'une activité effrénée. Croisière en yacht, voyage en automobile, dîner luxueux au restaurant à la mode, après-midi de flânerie élégante à Bagatelle ou à Saint-James, visite aux courses, aux expositions artistiques, soirées au petit théâtre à l'usage des touristes avertis, toutes ces distractions coûteuses et monotones se suivaient et se renouvelaient sans lasser le besoin d'occupation irrité d'une ascendance énergique et tenace, qui avait mis à amasser l'argent la même rage d'activité qu'ils mettaient eux à le dissiper. Certes, Le Fanois s'ennuyait souvent dans ce milieu puéril et flottant, mais il y trouvait de si douces compensations. Non seulement ses transactions avec les antiquaires lui donnaient l'occasion d'acquérir à vil prix quelques-uns de ces charmants objets dont il aimait à être entouré, mais à force de vivre au crochet des autres, il était parvenu à réaliser quelques économies qui lui avaient enfin permis d'organiser une existence à lui. Un beau jour, son mécène mourut en léguant toute sa fortune à des parents d'Amérique. Ce fut une grosse déception pour Le Fanois. Mais heureusement, un successeur se présenta bientôt et peu à peu il s'habitua à son rôle de metteur en scène, c'est lui qui l'avait ainsi défini, et devint le conseiller attitré des pèlerins d'outre-mer qu'anime le pieux désir de dépenser leurs millions au profit des oisifs parisiens. Ses liens de famille et sa personnalité fine et charmante lui avaient permis de rester en relation avec le vrai monde, celui qui se tient à l'écart de l'existence cosmopolite. Et Le Fanois jouait le rôle d'intermédiaire entre les transfuges de ce milieu, ceux que tourmentent la soif du luxe et du mouvement, et les explorateurs du nouveau monde qui aspiraient à pénétrer dans leur société fermée. Cependant, sa tâche n'avait pas pris des proportions sérieuses. Il n'était devenu vraiment homme d'affaires que depuis qu'il avait fait connaissance avec Miss Blanche Lambard. Cette jeune fille, rencontrée dans une réunion de la colonie étrangère, l'avait tout de suite frappée par son air d'intelligence fine et exempte de préjugés. Il avait trop pratiqué ses compatriotes pour ne pas s'apercevoir très vite qu'elle avait une origine plus distinguée que la plupart de ceux qui tentaient l'assaut de la société parisienne. Tout en elle décelait une éducation soignée, une facilité mondaine très grande, la fréquentation habituelle d'un milieu raffiné. Cependant, il eut bientôt deviné qu'elle vivait comme lui aux dépens de gens qu'elle méprisait. Lorsqu'ils lirent connaissance, Miss Lambard était la compagne de voyage d'une veuve milliardaire de Chicago qui rêvait un beau mariage. Au premier mot, Le Fanois et Miss Lambard s'entendirent pour lancer la dame et lui chercher un époux à la hauteur de ses exigences. Mais il faut croire que la veuve fut aussi peu reconnaissante que le patron de Le Fanois, car le mariage accompli, elle lâcha Miss Lambard, qui dut se mettre à la recherche d'une autre bienfaitrice. Elle ne tarda pas à en trouver une, et de nouveau elle demanda secours à Le Fanois pour lancer sa protégée. Ce pacte tacite durait depuis 3 ou 4 ans. Le Fanois ignorait toujours quelle triste nécessité avait poussé la jeune fille à mener une telle existence? Était-ce le goût du luxe ou le besoin d'agitation continuelle qui anime si souvent ses compatriotes? Sortait-elle d'une de ces petites villes américaines dont on lui avait décrit l'ambiance triste et monotone, où les femmes se morfondent dans une solitude oisive, tandis que leur mari s'acharne à amasser une fortune dont ni les uns ni les autres ne savent jouir? Il croyait plutôt deviner en elle une des épaves de la grande existence mondaine de New York, trop pauvre pour lutter avec le luxe qui l'environnait, trop fière et trop difficile pour s'astreindre à un mariage médiocre. Mais quel que fût son passé, elle avait pour le Fanois un charme singulier et indéfinissable. Jamais il ne lui avait dit un mot d'amour. Malgré ses allures libres, son vocabulaire ultramoderne, il sentait en elle une droiture presque farouche qui la défendait mieux même que son ton d'ironie voulue contre toute familiarité. Il s'entendait donc tout simplement en bon camarade, toujours heureux de se retrouver, et se défendant contre l'humiliation de leur complicité secrète en s'en moquant avec une franchise cynique.